Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf, on continue notre bilan des terrains de golf dans le secteur du lac Saint-Jean. Hier, on a fait celui de Saint-Prime, mais là, maintenant, on s'en va à Chibougamau parler avec Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour, Danny. Michel, 15% d'augmentation au club domaine Lac-Saint-Jean, est-ce que c'est la même affaire à Chibougamau? Non. Non? Et nous, je parlerais plutôt d'un statu quo. OK. Sensiblement le même accalendage que l'année dernière. OK. Puis la différence, dans le fond, entre Saint-Prime ou les clubs du Lac-Saint-Jean et Chibougamau. Sur les médias sociaux, puis qui lâchait pas, là. Il y a eu Eye of the Tiger, il y a eu la chicane avec Sotio. Ah, hein? Écoute, le lance match le dimanche 9 décembre. Ah, écoute, je pense qu'il a quand même bien aimé. Là. 20 semaines, 3, c'est la pause des fêtes, mais qu'est-ce qui se passe? Mathieu, on se parle après les 11 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. C'était le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis. 8-276-61-02. Oui, 32, j'ai entendu. Oui, puis c'est aussi le nombre de... Parce qu'on développe les équipes de G-League. Québécois d'être respecté au basketball. Là, je vais pas prendre l'exemple. D'autres sports, je dirais qu'il y a deux sports qui sont plus globaux que les autres sur le tard, mais l'explosion qu'il y a eu cette année, je pense que la meilleure chose, c'est qu'il y a plus de force physique. La réalité, c'est est-ce qu'il va prendre un salaire l'année prochaine, vu, parce que Chris, c'est vraiment un athlète d'élite, même pour la NBA. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison Funéraire. Tu m'as volé ma question, mais c'était pas vraiment cette question-là que je voulais le poser. On a un super job avec ça d'intégrer des jeunes. On a joué un match au Scotiabank. Tu serais pas surpris de voir la NBA y aller avec la G League à Mexico. Une question peut-être de ton bord? Non, juste à l'avant. OK. Ben, Charles Dubé, ça m'a fait très plaisir de te parler. Samuel, il vient de la région, puis on est bien fiers. C'est l'Arizona, donc on va surveiller ça de près. Marc. Martin Brodeur et Patrick Roy. Ça de très très près, c'est un gros voyage actuellement sur la. À la quantité de rignots qui se. Avec une attitude, semble-t-il, différente. Brodeur, c'est la régularité. Bon, mais moi, personnellement, s'il y avait. Défenseur, Raymond Bourque. Très collaborateur avec les médias. C'est un peu une belle carrière. Michel Bergeron a plusieurs clubs dans la Ligue nationale. Ils n'ont pas fait que... La chronique du baseball... Ben, présentement, je suis d'accord avec toi, dans le fond. On va voir sur le baseball majeur, parce qu'il va... Puis pour Montréal, ben, ils sont vraiment... Des Red Sox de Boston cette année. Ah, exactement. Fait que dans le fond, ça fait bien. Là, les Blue Jays avaient 2-3 ans en 2020. Fait que là, tout d'un coup, tu prends un recul. Parce que baseball va prendre une pause un petit peu. Phil nous aide à passer le mois de janvier. Pas. Oui. Hein, c'est survenu cette année. Mais Jack Del Rio avait quand même nous a quittés au niveau des... Ça leur prenait plus d'endroits pour passer. Puis il y en a... Pas loin, là. T'sais, l'année passée, c'est... Ah, c'est aussi le nombre de joueurs par équipe. Parce que on l'a clairement vu. Ah oui, OK. Rappelle-toi avec de Dennis Stevenson, OK? Mais on s'en... C'est juste que l'équipe de Dolbeau-Mistassini avait omis de mettre le joueur expérience. Et je comprends le fait que c'est rasé. Si ça commencerait demain, ils affronteraient Clemson. Les années 2019. Je tombe. 32 dans la NBA. Il y a l'Europe également. Qui ont les two-way contracts. Fait que ça fait un bassin qui ne dépasse pas le nombre de joueurs qui jouent au basket sur la planète puis l'influx de talent. Donc, c'est d'appuyer sur ses forces aussi, de développer certains éléments. 88-276-61. Et beau pour l'équipe canadienne de basket. Il y a des étapes à passer aussi pour... Pas beaucoup de monde. Mm-hmm. C'est sûr que vous êtes financé par l'année que vous allez. Est-ce qu'on parle de vous? Est-ce qu'on parle des... Il y a variable en fonction de la ville parce que Ouais. Il y a peut-être plus la ville, ce qui est un système qui n'existait pas, comme Pascal le disait. Mais il y a une quinzaine de supporters, comme ça pourrait être le cas en Europe, par exemple. Mais Mexico, on allait jouer des matchs à Mexico, on l'a fait avec contre Phoenix. C'est un marché que la NBA, pour moi, c'est le marché le plus évident. Très fier pour toi, puis je continue à regarder et suivre une équipe. Affilié pour une équipe NBA. Nouvelle-Orléans a déjà annoncé son équipe. Je sais pas si c'est l'année prochaine ou dans deux ans. Hein, c'est ça, parce que moi, je pense qu'il domine dans l'Ouest actuellement que du côté des défenseurs. Et puis, bon, son parcours, il faut qu'il garde la même orientation que ça fait depuis l'été. Young Brook, pas sûr de ça, moi. Tu sais, Brook qui domine. Chercher une transaction de ce style-là pour l'avenir, ça pourrait être intéressant aussi. Parce qu'on l'a. Lui aussi, là, il doit être. Effectivement, des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe Daryl Morey